Des yeux se corsent et se, plus je rappe et se, plus je parle, plus mes passés forcent de se séparer de ceux qui sous-estimaient le C. O-M-I-T. Je vous dédie ce morceau de ma pensée, même si les mêmes types que j'ai offensés s'y verront encore offensés. Offensé, plus significatif, tu sais. Je suis qui, je suis le reste. Je laisse, car depuis mes premiers mots dans le business, les regards louches naissent sur ma façon d'être, je le sais. Ça me tend sur mon physique, mon putain de flow. J'ai pas besoin de flingue pour prouver ma force des mots. Je marche comme je sais le faire, gars. Avec ou sans vous, j'ai mieux fait sans vous depuis 20 ans déjà. Que j'affronte en solo les dures lois de ma vie, la mort, les salauds, l'hypocrisie, les torts. Regarde, vas-y, du haut de ta tour, si ce que je te dis n'apparaît pas en bas de ta cour, pense-y et puis viens juger ma vie. Si la tienne est pire que la mienne, je m'inclinerai. Mais je rappe ce que je vis, vois et même. Je verrai. Suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Écrivain de texte des quatre saisons. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Ferme tes yeux et ouvre ton âme au son. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Écrivain de texte des quatre saisons. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Ferme ta gueule et ouvre ton âme au son. Vas-y, montre le son là, c'est qui ça? Moi-même, fils d'un homme venu de l'Est, je grandis et pousse, entouré de bandits qui me poussent aussi à faire comme eux. Des tas de choses, à faire des choses louches, mais je leur tourne le dos. Tu veux que je te dise en gros, je m'esquive, en somme j'évite les tests. J'ai grandi et tous que j'ai rencontrés jusqu'ici m'ont fait ouvrir les yeux. Ces tas de choses qui font mes pros de souche, mais je ne veux pas de cadeaux. Je suis Paul Coin du 220, année de naissance 2001. Profession au sein du COMIT, rappeur solo. Mon arme favorite, mon savoir-faire, ma dernière trouvaille est ben série, mon oh. Tant de temps à voir, autant de gens sourire. Derrière mon dos, j'en fais autant devant maintenant et pire. Façon Goldman, je marche seul et scrute de ceux qui tirent des putes. Mes chutes, je tire les leçons comme sur mon double feuille, garçon. Pâle comme elle, fou comme elle, pêle-mêle. Entre moi et elle, c'est comme terre sans ciel. En fait, c'est essentiel, pardon pour tout. Ici, c'est Kwan P-A-U-L. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Écrivain de texte des quatre saisons. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Ferme tes yeux et ouvre ton âme au son. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Écrivain de texte des quatre saisons. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Ferme ta gueule et ouvre ton âme au son. Mon caractère se sent comme mes rares envies de sourire. Car tellement de choses autour de moi empire. Seconde après seconde, comme les feuilles mortes des mecs tombent. As-tu déjà vu l'une d'elles revenir, yo? Et mec, tu trompes. Chaud comme la température de ce monde, fils. Certains avancent bornes suivant les traces du vice. Dans un milieu, à mille lieues de vos yeux, et où mes yeux foncent des cherches ici bas les cieux. Voici comment du 9, 2 ou 3 ou 4. Y'a rien de neuf, les mêmes claques. En 4, 3 ou 2, clic, coup de flingue. J'en appelle 2 ou 3 de ma clique qui trouvent ça dingue. On serre les œufs à l'aube du siècle 21. Et puis nos vies se jouent comme des mauvais coups de 4, 21. Et puis s'en ajoute un, puis 2, puis jusqu'à 21. Putain, je m'étonne de mes 22. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Écrivain de texte des quatre saisons. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Ferme tes yeux et ouvre ton âme au son. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Écrivain de texte des quatre saisons. Je suis qui je suis. Un amoureux de son, Paul Coin de son prénom. Ferme ta gueule et ouvre ton âme au son.